Un garçon terrible. Прослушайте текст и скажите, о чем была телеграмма, которую бабушка и дедушка прислали родителям Жака. C'est une soirée habituelle dans la famille Dutronc. Maman prépare le dîner dans la cuisine. Tout à coup, elle entend de forts hurlements de la salle de séjour. C'est là que son cher fils joue après l'école. Elle va voir ce qui s'y passe. Quand elle entre dans le salon, elle voit leur chien Médor tourner dans la pièce et hurler comme un fou. Elle voit que son garçon, Jacques, tire la queue du pauvre animal. Elle crie « Jacques, ne tourmente pas le chien, ne lui tire pas la queue !»« Le chien fait beaucoup de bruit, mais je ne lui tire pas la queue !» répond le méchant garçon. « C'est lui qui tire !» ment Jacques. La famille de Jacques habite un village de Saint-Pierre à la Martinique qui est agité parce que le volcan, la montagne Pelée, fume beaucoup. Les parents du garçon ont peur du volcan parce qu'il peut détruire le village. Ils décident d'envoyer l'enfant chez ses grands-parents qui habitent une ville lointaine. Ils vont au quai où le bateau attend. Pendant le voyage, Jacques se tient mal comme toujours. Les passagers ne peuvent ni se reposer ni dormir. Le garçon court d'un bout à l'autre du bateau et il crie comme un fou. Le steward est très jeune et poli, mais finalement il est fâché contre ce garçon. Il lui dit « Sois sage ou va dans ta cabine !» Mais l'enfant continue à courir et à faire du bruit. Les grands-parents sont très contents de voir leur petit-fils. Après 2 jours, les parents de Jacques reçoivent ce télégramme des grands-parents. « Nous renvoyons Jacques, envoyez-nous l'appeler. »